les matins où l'on dérouille. Il y a les soirs où on se sent vide. Et ce mal de tête qui nous brille. L'impression que la vie s'écoule et que nos certitudes s'écroulent. Je crois bien qu'on a cassé le moule des habitudes qui nous saoulent. C'est la vie qui nous hante, n'a de sortie que dans l'attente. Et c'est la vie qui nous hante, n'a de sortie que dans l'attente. Ces idioties que l'on chante n'ont de prix que dans l'attente. Et ces idées qui nous enchantent n'ont de sens que si on les tente. Si on les tente. Matin de désillusion, on sent bien le compte à rebours. Chaque nuit et chaque jour, et c'est la vie qui nous. N'a de sortie que dans l'attente. Et ce labyrinthe qui nous hante. N'a de sortie que dans l'attente. Et ces idioties que l'on chante n'ont de prix que dans l'attente. Et ces idées qui nous enchantent n'ont de sens que si on les tente.